Naked sur la plage, la mer me crache au fer. Rider skill se lève, poussière dans la lumière. Je tends la main au sable, je forge un couteau de pierre. Le vent roule des balles dans un baril de verre. Far West dans mes veines, Russe dans mes pas. Je marche sur vos rêves, la rouille me guide là-bas. Les oiriques scintillent comme des saloons noyés. Le sel mord mes cicatrices, mon serment est gravé. Je grimpe l'acier qui chante au bout du monde. Chaque marche résonne, ma vengeance est grande. Du reste jusqu'à l'ouest, je brise vos murs. Cowboy éternel, dans la nuit. Les tunnels me parlent, rails noirs sous mes bottes. Des ombres aux doigts d'acier veulent ma peau qui flotte. Je souffle sur la mèche d'un vieux C4 de braise. Vos coffres font la prière et la prière s'apaise. Je bois la nuit comme un whisky trop amer. La lune pose un lasso sur vos tours de fer. Je crache de la poussière, je saigne de chansons. Un cavalier de rouille qui meurt. Charge la porte, fais parler le feu. Tiens la ligne, partner, le désert est bleu. Compte jusqu'à trois, laisse tomber la foudre. Quand la fumée retombe, y'a plus rien à mourir. Vos pseudos s'effacent dans la cendre et la pluie. Mes pas marquent la terre, la mémoire s'enfuit. Je pile sans un cri, je rends la nuit muette. Qu'il murmure et la peur nous arrête. Du rush jusqu'à l'ouest, je brise vos murs. Cowboy éternel, dans la nuit la plus dure. L'harmonica pleure, la poudre. Quand la poussière retombe, je suis encore debout. Cowboy de rouille et vos royaumes à genoux. Ailleurs.